mais j'espère c'est un jour meilleur. J'ai pu mettre maman à l'abri de la peur. On m'a dit, me guide, on te connaît pas. J'ai changé, je sais, je suis juste un peu plus moi. Oh yo, oh oh. Oh yo, oh oh. Oh yo, oh oh. Oh yo, oh oh. Connaissance prétend être mes amis. Mes amis me regardent comme une connaissance. Que t'as dit m'a touché le cœur, la tête. Mais t'es trop occupé à regarder ce que j'ai. Oh yo, oh oh. Oh yo, oh oh. Oh yo, oh oh. Oh yo, oh oh. Oh yo, oh oh. Tu n'es pas à ma place, je n'ai rien. J'ai passé la nuit à me justifier. Le temps dira qui sont mes amis. Tu n'es pas à ma place, je n'ai rien promis. Mais le temps me dira qui sont mes amis. J'ai passé la nuit à me justifier. Le temps dira qui sont mes amis. Oh, oh, oh. Le chemin est étroit, profite de toi. Tu ne l'as pas volé, ne culpabilise pas. Le regard des autres te fait hésiter. Et si on vivait au lieu d'exister? Oh yo, oh oh. Oh yo, oh oh. Oh yo, oh oh. Oh yo, oh oh. Oh, oh, oh. Laisse-moi te faire part de ce que j'ai appris. Reste soi-même car les autres sont déjà pris. Je te dédie ce son si tu m'as compris. Et à toi qui vois mes yeux toutes les nuits. Tu n'es pas à ma place, je n'ai rien. J'ai passé la nuit à me justifier. Le temps dira qui sont mes amis. Tu n'es pas à ma place.